C'était un fier gamin, tout de vert vêtu, qui flottait, aïe, aïe, avec un fier marin nommé Lindbeck, et une drôle de fée, aïe, où il naviguait sur son steamboat blanc. Sur les mers d'Irul, tel un goéland, il filait droit sur les océans. Pour sauver Zelda, il fonçait droit devant. C'était un fier gamin, tout de vert vêtu, qui roulait, aïe, aïe, dans une locomotive, 100 ans après, sans drôle de fée, aïe, il roulait sur les rails, sur sa loco rouge, sur les plaines d'Hyrule, telle une boîte qui bouge. Il filait droit, sur les prairies vertes, pour sauver Zelda, il part en découvert. Un fier gamin, tout de vert vêtu, qui fonçait, aïe, aïe, dans une locomotive ou bien un bateau, en faisant de la fumée, aïe. Faut dire que le charbon, c'était la grande mode, au pays d'Hyrule, c'était bien commode, que ce soit sur les rails ou les océans. Pour Zelda, ça fume sur le double écran.